Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4. Question 17. Conséquences de l'union hypostatique quant à l'unité du Christ. Le Christ est un seul être. 1. Le Christ est-il, 1. Boèse dit, toute chose en tant qu'être est une. Le Christ est un être. Donc il est, 1. La dualité n'est admise en Jésus-Christ que pour les deux natures, or, comme les deux natures ne peuvent être attribuées qu'à sa personne qui est une, il faut dire qu'il est un, et non pas deux. 2. Le Christ est-il un seul être? Si la nature humaine était unie au Fils de Dieu d'une manière accidentelle et non pas hypostatique ou personnelle, on devrait dire qu'il y a deux êtres en lui, l'un, parce qu'il est Dieu, l'autre, parce qu'il est homme. Mais, comme la nature humaine a été unie par le Verbe à l'unité de sa personne divine, sa personne même déjà existante a seulement contracté une relation nouvelle avec notre nature, si bien qu'elle subsiste tout à la fois selon la nature divine et selon la nature humaine. Le Christ, dès lors, est un seul être personnel.